minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planet Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. Yeah, let's see. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, ça commence maintenant. Ça commence effectivement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Planet Indie. Nous sommes ensemble, comme chaque mois, le premier samedi, entre 17h et 18h30, pour vous faire découvrir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Et ça fait un petit bout de temps que ça dure, puisque aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 421. Alors, vous nous retrouvez donc chaque mois sur les ondes de RGL à 96.6 FM dans la région du sud Luxembourg, Esch, Dudelange, Chifflange. Vous pouvez nous retrouver sur le canal de la télédistribution au Luxembourg. Vous pouvez nous retrouver en Belgique sur les services Proximus et vous. Et puis, évidemment, sur Internet, sur le site RGL et puis sur le site de Planet Indie, www.ilovemusic.ga. Et puis, je vous rappelle aussi que nous avons un groupe sur Facebook où il y a pas mal d'artistes que vous entendez aussi dans cette émission. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi. Ça sera une façon d'interagir avec nous. Et puis, notre numéro de téléphone, tant qu'on y est, comme ça, on aura tout dit. C'est le 26 54 0044, le 26 54 0044. Précédé du 00352 si vous voulez nous appeler de l'étranger. N'hésitez pas à bien nous faire part de vos commentaires sur notre programmation musicale, entre autres, parce qu'on ne va pas que dans la musique, on va aussi dans le monde de la BD, on va aussi dans le monde des spectacles. C'est un peu plus réduit en ce moment, évidemment, avec tout ce qui se passe, mais bon, ça reviendra. Il faut juste être un petit peu patient. Et puis au niveau de la musique, justement, eh bien, je vous propose de commencer cette émission aujourd'hui avec un morceau un peu plus calme que ce que j'ai l'habitude de programmer en début d'émission. C'est un artiste que j'avais prévu de passer le mois dernier, puis on n'a pas eu le temps. Apparemment, je parle de trop. Il s'appelle Günther Braun et il nous invite dans son jardin ou dans ses jardins, puisque le morceau s'intitule Gardens, Günther Braun. Et puis après, on écoutera Peter Galway avec Kid Motown. Making love a mark in time, another day, another night, soaked in TV light. Are we building up or breaking down? Now the roof has gone to rust, rooms full of dust, and I'm just another man. Picked you up and let you down again. I built you a house that don't keep out the cold. I planted a garden, but nothing ever growed. Goodbye to my love, hello to the road. I ashtray full of ash and dough. While these miles and miles of road keep me on my own, all the way to mostly out of here, getting lost and breaking down, halfway to all the way gone. I can't help hoping that you will come pick me up and take me home again. I built you a house that don't keep out the cold. I planted a garden, but nothing ever growed. Goodbye to my love, hello to the road. Heaven knows I've been trying, but I can't be what you needed me to be. I built you a house, don't keep out the cold. Planted a garden, but nothing ever grows. Goodbye to my love, hello to the road. Goodbye to my love, hello to the road. And it will feel like you've been chosen for a moment you're the dreamer, till your dreams come undone. So you check your hair in the mirror and know you are your mother's son. Dad was a sucker for old blue eyes. My mom's put the rhythm in my bones. 8 o'clock sharp Sunday night was the Ed Sullivan show. Hey, give me Motown, I'm a refugee. I'm dreaming of steps and spins. For 3 minutes the world comes easily. Give me Detroit, Memphis, New Orleans. Give me I Feel Good, Maybelline. High heel boots in a short skin suit. Man, give me Motown and rhythm and blues. Give me Motown and rhythm and blues. Give me Motown and rhythm and blues. Man, give me Motown and rhythm. Talking to God, I was talking to God. I was whispering the word and heard the saddest of songs. I was talking to the walls, I was talking to the floor. And then a shiver through the ages found a pathway to my door. Say, will this day be the day? Say, on our sound, let the color come out loud. Knife sounds, let them know what it's about. Knife sound, now. If I could scream and shout all my sound. I was talking to God, I was talking to God. I heard the echoes of my words as they reflected down the hall. Say, day be the day. Say, on knife sounds, let the color come out loud. Knife sound, let them know what it's about. Knife sound, now. If I could scream and shout. Out, let them know what it's about. Knives out now. If I could scream and shout to you, knives out. Thank you. Je laisse jusqu'au bout tellement j'aime bien ce morceau, j'allais dire cette version de ce morceau. Je dis cette version parce que c'est le mix numéro 4 de Ben Lorenzen. Son morceau s'intitule All Knives Out. Il en avait donc probablement 3 autres avant, mais il a probablement jugé que c'était celle-ci qu'il fallait envoyer et qui était la plus aboutie. Je vous rappelle donc son nom, Ben Lorenzen, avec le morceau intitulé All Knives Out. D'ici quelques minutes, eh bien, nous allons partir à la découverte de notre album Powerplay. Il nous emmènera aujourd'hui du côté de Lyon. Bah oui, c'est assez rare pour le souligner. Et avant cela, je vous propose encore d'écouter un morceau qui s'appelle Driving Time. Bah oui, si vous êtes en voiture, eh bien, vous souffrez peut-être parce qu'il fait chaud. Hein, il fait chaud. Mettez la clim, ouvrez les fenêtres en grand, c'est encore bien agréable d'avoir le vent qui vient vous rafraîchir le visage. Donc maintenant, vous êtes peut-être à l'intérieur en train de siroter une boisson fraîche, eh bien profitez-en. Vous avez probablement meilleur que moi parce que moi j'ai très chaud, mais même si le studio est bien aéré, mais il fait quand même assez chaud. Allez, on écoute Papa Zatch, c'est une programmation spéciale. De qui se reconnaîtra. Papa Zatch avec Driving Time, et puis après, eh bien, nous irons à la découverte donc de notre Powerplay aujourd'hui pour cet épisode numéro 421 de Planète Indie. Didn't want to talk about it. Why'd we have to talk about it? Have to fight about it. Whoa, whoa, driving time. Think about it. C'était donc Papa Zatch avec son morceau Driving Time. 17h20, et bien il est l'heure pour nous d'aller sur notre album Power Play. On va poursuivre dans la vague un peu plus remuante que le début, enfin que la programmation du début de cette émission où la chaleur nous poussait plus à plus de langueur. Langueur, oui, c'est bien cela. Là, on est parti dans quelque chose qui remue un peu plus. Donc, on a fait une petite marche intermédiaire, on va dire, avec Papa Zatch. Mais là, ce que je vous propose maintenant, eh bien, ça va bouger un peu plus. Je vous disais qu'il s'agissait d'un groupe originaire de la région lyonnaise. Bien, il s'agit d'un groupe qui s'appelle Nico Chona and the Fresh Stones. C'est un groupe qui est tout jeune puisqu'il s'est formé en 2016 autour, eh bien entendu, de Nico Chona. Bah oui, on ne l'aurait pas deviné. Il s'agit en fait de la réunion d'une bande d'amis qui se connaissaient, qui jouaient de la musique dans des projets à gauche et à droite, et puis qui se sont retrouvés tous plus ou moins au même moment, libres de toute obligation. Et puis comme l'ami Nico Chona disposait déjà dans sa valise d'un petit stock de chansons sur lesquelles il bossait depuis un certain temps, et bien on peut dire que toutes les planètes se sont alignées au même moment pour donner donc naissance à ce projet Nico Chona and the Fresh Stones. C'est un groupe qui est catalogué plutôt blues, même si évidemment, comme tous les artistes le disent, ils n'aiment pas être justement catalogués, limités à une seule case. C'est peut-être un peu vrai pour eux, puisqu'ils ont parfois été rejetés dans le monde du blues, où on leur reprochait de manger à tous les râteliers. Nico Chona dit d'ailleurs qu'il fait de la musique américaine. Il ne dit pas qu'il fait du blues, il dit qu'il fait de la musique américaine. Et c'est vrai qu'on y trouve aussi du folk, du rock, de la musique électrique, de la musique acoustique. Quoi de plus normal, me direz-vous, quand on cite comme influence Bill Gibbon. Mais si, vous le connaissez, c'est un des barbus de ZZ Top. D'ailleurs, en parlant de ZZ Top, c'est marrant parce qu'ils sont trois. Il y en a deux qui ont des barbes longues comme le bras, et le troisième, le seul qui n'a pas de barbe, il s'appelle Bird. Donc, barbe en français, c'est assez amusant. Donc, revenons aux influences de Nico Chona. Il cite donc Bill Gibbon, l'un des barbus de ZZ Top. Donc, je disais, l'Eric Clapton de la période Queen, ou encore le folk de Crosby, Stills, Nash & Young, voire même la musique Dixie du sud des États-Unis. On pourrait donc dire qu'il joue du blues expatrié. Allez, je vous propose un premier extrait. D'ailleurs, c'était l'extrait dont je vous mettrai la vidéo sur la page Facebook de Planet Indie. Un extrait qui s'appelle Screen Boy. Il parle, c'est un morceau actuel puisqu'il nous parle de cette génération qui parle sa vie, qui passe sa vie devant des écrans et qui de ce fait se prive de pas mal de choses. Je vous rappelle donc leur nom. Il s'appelle Nico Chona and the Fresh Stones. Leur album s'appelle aussi Nico Chona and the Fresh Stones. Et donc ce premier extrait s'intitule Screen Boy et c'est notre Power Play aujourd'hui dans Planet Indie. Power Play. Power Play. Something for you today, maybe something you can say. Petit chouchou du moment, je vous en avais parlé le mois dernier, il est belge, il est originaire du Limbourg, si je ne m'abuse, de la région de Genk. Et son nom d'artiste, c'est Art of Empathy. Et il nous a sorti un très très très bon album qui s'appelle The End of I, si je me souviens bien. c'est sorti chez les Allemands de Anemos Records. Bah, c'est pas étonnant que ce soit sorti chez des Allemands puisque c'était un genre musical qui est fort populaire par là. Et on écoutait le morceau Legion. Je vous rassure, on le réécoutera dans les prochaines émissions. On n'a pas fini d'en parler de ce Art of Empathy. On poursuit avec Nikavo et un morceau intitulé No TV. Déjà le titre, ça devrait peut-être faire tilt à tous les auditeurs qui sont plus ou moins de ma génération. Si je vous dis Revolution, No Revolution, et oui, ça vous fait penser à Jean-Michel Jarre, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a du sample dedans, vous allez voir en écoutant cette interprétation par Nikavo, et lui l'a renommé No TV. We'll be right back. Mike from A is for Adam, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Michael from Socionic, and you're listening to Planet Indie. See, in my language, we would say Planet Indie, but I think it might be more like, hi, I'm Derek from Social Science, and you're listening to Planet Indie. Planet Indie? Touch the pearls, brush the hair. A well placed tear steals the show. They can't disqualify, but they don't know. Got someone cooking in Hell's Kitchen, and I won't let them go till I hear ka-ching. Elbow, elbow, wrist, wrist, touch the pearl, swish the hair. Elbow, elbow, wrist, wrist, blood and glitter. I take my booting seriously. Making rich boys beg hysterically. I won't stop the love till your heart stops to beat. Vous avez peut-être compris, hein, là, le morceau s'intitule Blood and Glitter et l'artiste c'est Miss Ballistic, une autre nouveauté aujourd'hui dans cette émission Planet Indie. Je vous rappelle, c'est l'épisode numéro 421 auquel vous avez droit aujourd'hui. D'ici quelques minutes, retour sur notre album Powerplay. Avant cela, eh bien, nous allons voir ce qui se passe du côté de la Rocale, ici à Esch-sur-Alzette. Eh bien, pas grand-chose, puisque comme vous le savez, suite à la situation sanitaire, la plupart des événements sont soit annulés, soit postposés si une date, enfin une nouvelle date a pu être trouvée. On peut quand même épingler les projections qui se passent non pas à la Rockhall mais qui se passent au Rotonde à Luxembourg, mais c'est organisé par le Rock Lab, donc en collaboration avec les Rotondes. C'est des projections qui se déroulent le dimanche et elles sont d'ailleurs gratuites, et donc des projections qui ont un trait avec la musique. Il y en a une déjà demain, ça s'appelle The Rise of the Synths. C'est dans le cadre donc du festival Congé annulé. Dimanche prochain, donc pas demain, mais le dimanche suivant, le 9, ce sera Desolation Center. Et enfin, le 16, Other Music. Tout cela, donc je vous rappelle, ça se passe au Rotonde à Luxembourg et l'entrée est gratuite. Le prochain spectacle prévu et qui n'est pas encore reporté ou annulé, donc le prochain qui est prévu à la Rockhall, c'est pour le 27 septembre, c'est la version Symphonic Celebration du groupe Queen. Donc on croise les doigts pour que ça puisse se tenir, parce que déjà du Queen c'est bien, mais alors en plus en version symphonique, ça ne peut qu'être bien. Allez, d'ici quelques minutes, je vous le disais donc, retour sur notre album Powerplay, celui de Nico Chona accompagné de ses Fresh Tones. Avant cela, on écoute encore Blackie Bluebird avec un morceau dans lequel elle joue avec les B, puisqu'elle s'appelle Battered, Beaten, But Not Broken. Je vous rappelle son nom, elle s'appelle Blackie Bluebird, elle nous interprétait Le morceau Battered, Beaten, But Not Broken. 17h47 minutes, vous êtes toujours bien avec nous. En tout cas, moi, je suis bien avec vous. C'est Planète Indie, comme chaque premier samedi du mois. Vous nous écoutez via les ondes hertziennes, via la télédistribution ou via les sites indies, les différents sites internet, soit celui de l'émission www.ilovemusic.ga ou celui de RGL www.rgl.lu. Nous retournons sur notre album Powerplay, l'album Nicochona and the Fresh Stones du groupe. Bah oui, je vous laisse deviner, Nicochona and the Fresh Stones. On a vu tout à l'heure l'histoire de la genèse de ce groupe. Parlons un peu de cet album qui est leur premier disque. Avant cela, le groupe a beaucoup tourné, participé à des festivals prestigieux et partagé l'affiche avec des groupes non moins prestigieux. Ils ont fait l'American Tour en compagnie de Deep Purple. Bah oui, c'est déjà pas rien. Ils ont joué au fameux Cahors Blues Festival. Ils ont joué à Guitare en scène, où ils ont fait aussi la première partie de Midnight Oil ou de John Butler. Ils ont aussi fait une tournée en Europe qui les a vus parcourir pas moins de 17 000 km. À la barre, donc, on trouve Nicochona, qui chante et joue de la guitare. Il est accompagné de Joris Perrin à la guitare aussi, de Dan Nambotin à la basse et de Nicolas Camet à la batterie. C'est une composition, ma foi, on ne peut plus classique, mais comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, une composition qui déménage. Cet album a été enregistré à Lyon, bah oui, c'est la ville d'où est originaire le groupe. Il a été enregistré en 4 jours de travail intense. Tout a été fait directement et enregistré et joué dans la même cabine. Seuls les chœurs ont été ajoutés par après. Il s'agit pour l'essentiel de compositions originales, à l'exception d'un seul morceau, un morceau intitulé « Tumbling and Rolling ». C'est une reprise d'un classique du blues, mais que le groupe a complètement distordu en hommage à Robert Johnson. Eh bien, je vous propose de nous arrêter là et d'écouter sans plus tarder leur version, leur propre, comment est-ce qu'on va dire, revisitation de ce morceau « Rolling » and Tumbling, extrait de cet album Nicochona and the Fresh Stones. Power play. Power play. shower the diving dove. Don't let nobody push me till I come up. Yeah. Si vous étiez avec nous le mois dernier, vous l'avez peut-être reconnu puisque c'était notre power play au cours de cette émission-là. Elle s'appelle Stephanie Hatfield. C'est toujours extrait de son album Out This Fell et on écoutait le morceau intitulé Day or Decades. Nous allons bientôt aller découvrir la BD du mois. Ben oui, ça c'est pour dans quelques minutes. 3 minutes et 56 secondes précisément, c'est le temps que dure ce morceau de Carrington McDuffie. C'est un extrait de son nouvel EP qui s'intitule I Am The One et nous on écoute Glasgow et on la laisse se présenter. Hi, my name is Carrington McDuffie and you are listening to Planet Indie. It's raining all the way to Glasgow. How long it's been, nobody knows. Wheels keep spinning in my mind, engine working overtime, burning up the road for that radio show. Oh, oh, step it up, baby, let's go. We gotta play that show in Glasgow. I wonder where this trip will take me. Try, but you can't make me be anyone but me or feel anything but free. And you can't shake how great I'm feeling lately. Oh, oh, oh, step it up, baby, let's go. We gotta play that show. Nav, don't ask me. It's just a wish away. Another brand new day. Break the date and set the past free. Oh, oh, step it up, baby, let's go. We gotta play that show. Oui, il y a de l'Écosse hein, dans ce morceau de Carrington McDuffie, puisque le morceau s'intitule Glasgow, alors qu'il fait de plus en plus chaud dans le studio. On arrive à 30 degrés maintenant, donc je ne sais pas à quelle température on va terminer cette émission, mais ça devient de plus en plus pénible. Mais bon, on va aérer un petit peu, comme ça, ce sera mieux. Allez, il est l'heure de passer à la découverte, non pas de notre powerplay, mais de notre BD du mois. Et cette fois-ci, c'est une BD gentille que je vous ai proposée. Elle s'appelle « Avec ou sans moustache ». Le résumé est le suivant. Pierre-Jean Rochiel, alias PJ, est un acteur vedette à la retraite. Si tant est qu'une star la prenne un jour, sa retraite. En effet, le producteur de leur trilogie à succès « Les copains d'abord » voudrait réaliser un nouveau film réunissant la bande de joyeux lurons de l'époque quelques 30 ans plus tard. Ils acceptent tous, à l'exception de PJ, qui au fil du temps est devenu misanthrope sur les bords, partageant sa vie avec son chien Adolphe, entre ses courses, sa promenade quotidienne et son café chez Mado, la tenancière du bistrot du coin. Quand un matin Pierre-Jean retrouve Dolphy Redmore, il se dit que finalement il pourrait malgré tout rallier l'aventure. Mais comme il était resté en froid avec le reste de la troupe et que son amour-propre lui interdit de baisser pavillon, il décide de se raser la moustache et de se présenter au casting pour son propre rôle en se faisant passer pour Henri Floda, le sosie de PJ, si vous suivez encore. Donc il passe un casting pour un rôle, le rôle de sa vie, de lui-même. Sa prestation se révélant convaincante, il obtient le rôle et retrouve les autres sur le lieu du tournage, une splendide villa dans le Midi. Le grand déballage peut alors commencer. Au point de départ, on se trouve presque devant le scénario original d'une pièce de boulevard, rassemblée de vieux amis ou collègues 30 ans plus tard. Jusque-là, rien de nouveau, me direz-vous avec raison. Dont l'un sous une fausse vraie identité. Tous les ingrédients sont réunis pour mettre en place des ouvertures intéressantes. Le bouc émissaire prétendument absent, le héros bougon mais au grand cœur qui connaît la vérité mais ne peut rien dire sous peine d'être démasqué. Des personnages tous plus ou moins attachants, en poussant un peu on aurait pu les rendre truculents. Des révélations totalement inattendues, des quiproquos. Mais c'est plus vers le cinéma que les clins d'œil sont appuyés. On ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec Les Bronzés, de voir Jean-Pierre Marielle en Pierre-Jean Rochiel, dont le nom est presque l'anagramme, ou encore plus flagrant, Jacques Balutrin sous les traits de Jacques. Une bonne trame ne devrait cependant se dénouer que tout à la fin, mais ici le poteau rose est découvert rapidement, peu après la moitié du livre, comme si les auteurs, histoire de ne pas s'en mêler les pinceaux, avaient voulu se débarrasser de cette problématique pour lancer une autre intrigue dans le récit, au risque de tirer la narration en longueur. Intrigue qui n'était jusque-là que pressentie et qui permettra d'embrayer avec la gentille conclusion. L'effet laisse une impression mitigée, un tantinet de frustration, tant on se demandait comment Henri Floda allait s'en sortir avec le rôle de sa vie, alors que le naturel avait de plus en plus tendance à reprendre le dessus. Le dessin est quant à lui très plaisant et précis, caricatural à souhait, même s'il est par moments victime d'un découpage aléatoire. Les couleurs sont très agréables, on se demande quand même quelle mouche a piqué les auteurs pour avoir surchargé les cases de musique anglophone alors qu'ils se revendiquent des copains d'abord de Brassens. En conclusion, eh bien, c'est une bonne idée de départ avec un scénario complètement fou mais qui se tient mais qui à la fin s'étiole. Une aventure gentillette, sans grande prétention, où tout finit bien. Lire ce livre, c'est un peu comme regarder un de ces vieux films français au charme désuet dans lesquels on adore se replonger à l'occasion. Je vous rappelle donc le nom de cette BD, ça s'appelle Avec ou sans moustache, c'est sorti chez Grand Angle par les auteurs Courty et FX. Je vous mettrai là aussi la conclusion et la couverture de cet album sur notre page Facebook. Pour l'heure, on continue en musique avec un morceau intitulé Talking Down du groupe Atlas. They just talking down on me. They just talking down on me. Oh oh oh oh. I just take my life slowly. I just take my life slowly. Oh oh oh oh. I be a star on the making. I just be baking my bacon. I'm gon' next to be mistaken. All of these homies be faking. Don't know what conversation. Get on me, that's why you shaking. If you want beef, say something. I'll keep going straight, stopping. They said I won't get any views. They said I won't be famous. They said I won't never be the news. Now, fuck you haters. They said I won't get any views. They said I won't be famous. This I'll never be the news. Now, fuck you haters. They're just talking down on me. They're just talking down on me. Oh, oh, oh, oh. I don't feel afraid, low key. I don't feel afraid, low key. No, no, no, no. They're just talking down on me. They just

C'est une autre nouveauté, elle s'appelle Felix City et le morceau s'intitule Twisted Love. 18h14, on arrive dans la dernière ligne droite de cette émission. Je vous rappelle que vous écoutez Planet Indie comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL et puis sur les différents canaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver, que ce soit sur internet, que ce soit via le câble télédistribution en Belgique ou au Luxembourg, en Belgique aussi, donc sur les Bookez-vous et Proximus, et puis aussi sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Retournons, si vous le voulez bien, sur notre powerplay, et puis j'en profite aussi pour vous préciser que cette émission sera rediffusée demain aux mêmes heures, donc entre 17h et 18h30, aux mêmes heures et sur les mêmes fréquences. Et puis vous retrouverez le podcast de cette émission sur notre site internet et sur notre page Facebook. Voilà, j'en ai fini avec les petites annonces. On retourne sur notre album Powerplay, l'album Nicotchona and the Fresh Tones du groupe du même nom, Nicotchona and the Fresh Tones. Et sur la pochette de cet album, eh bien, on trouve en gros plan la calandre d'une vieille camionnette que l'on imagine aisément pick-up. On devine une connexion avec le monde automobile et avec raison, c'est l'une des passions de Nicotchona, qui trouve de plus que le son d'un gros V8 américain s'accorde bien avec le blues et avec sa guitare. D'ailleurs, les cocos se présentent parfois sur scène avec des tenues de mécano américains, avec le nom écrit en grand sur leur salopette. Et puis, il peut arriver aussi que le décor soit constitué de gros bidons ou de pneus. Mais tout ceci reste toujours à sa place et le groupe veille à ce que cela ne desserve pas leur musique. Le monde automobile est tellement une passion qu'il est prévu une chanson sur l'un des ancêtres de Nicotchona, donc une chanson qui figurera sur leur prochain album, qui devrait d'ailleurs rester dans la même veine blues rock, boogie and folk. Eh bien, je vous propose un dernier extrait pour aujourd'hui, un morceau intitulé Run. Ça nous redonne une bonne dose d'énergie et de son et nous raconte une rencontre tordue dans la nuit avec un chat noir. Nicotchona and the Fresh Stone, c'est le nom du groupe et en même temps le nom de l'album. Comme ça, c'est plus facile. Power play. Power play. We'll be right back. Voilà, je vous rappelle leur nom, c'était Nicochona and the Fresh Tones, extrait de l'album, de leur album éponyme. Et puis je vous ai mis la vidéo du premier morceau, en fait une vidéo enregistrée en public du premier morceau qu'on a écouté tout à l'heure, Screen Boy, sur la page Facebook du groupe de Planète Indie. On va passer encore en vitesse en revue la programmation de nos partenaires de la Culture Fabrique et de Neumünster. Alors à la Culture Fabrique, ce soir, vous pourrez voir Paulinska et Steph Kaskiala. C'est à la fois de la musique et de la danse. Vendredi prochain, le concert de Joycey. Samedi prochain, le concert de Juno Francis. Le 14, ce sera Donna Blue. Le 15 août, samedi 15 août, Napoleon Gold. Le 21 août, Muholos. Le 27, Giacomo, et le vendredi 28 à 19h30, Rome. Pour la suite, eh bien, on verra plus tard. En ce qui concerne Neumünster, il y a pas mal de choses aussi. Demain à 11h, ben, c'est les fameux concerts de jazz. Demain, ce sera le Enki Quartet, c'est du jazz moderne, modern jazz si vous préférez. 6 août à 18h30, c'est Karma avec comme première partie Anna Ida. Le 9 août, Giuseppe Milacci et Vogue Trio. Le 11 août, Pleasing. Le 19, Francis of Delirium. Et le 23, Nico Morelli Trio. On termine cette programmation avec le 28 août à 18h30, Bartleby Delicate. Et le 30 août, Sami Vomaka Trio. Ben voilà, comme ça on était tout à fait complet. On va terminer en roue libre la programmation de ce soir. Et pour l'heure, eh bien, on écoute Paul Messenger avec un morceau intitulé « The Truth Will Do ». Just be me, you just be you. The truth will do. Bien voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette émission, cet épisode numéro 421 de Planète Indie. Il me reste à vous remercier d'avoir partagé avec nous ces 90 minutes. J'étais très heureux de les passer en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. Prochaine émission en direct le 5 septembre. Je vous rappelle que cette émission-ci sera rediffusée demain entre 17h et 18h30 sur les canaux habituels. On se quitte avec The Root in the Wood et le morceau intitulé Mars Won't Save Us. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Portez-vous bien et à très bientôt, à la prochaine.